بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس 26 بعد المئة. 76 leçon. Toujours dans كتاب معلومات متفرقة. يقول المؤلف حفظه الله تعالى في السؤال 1062 162 question. بماذا ثبت الله الأرض؟ بماذا ثبت الله الأرض؟ Comment Allah a-t-il fixé la terre? C'est-à-dire le sol en lui-même, d'accord, sur la terre. Qala bil jabal, wa dalil qawlu ta'ala, wal jibal awtada. Il a stabilisé le sol par la présence des montagnes. Car il a dit, il a mis des montagnes comme des piquets. Surat al-Naba, la nouvelle verset 7. Wa qawlu ta'ala, wal kafil ard rawasi antamida bikum wa anhara wa subulal la'allakum tahtadun. Et qu'il a placé sur terre des montagnes immobiles afin qu'elles ne branlent pas, ainsi que des fleuves et des sentiers afin que vous puissiez vous guider. An-Nahl, les abeilles, verset 15. Qala fi sual alf wa thalath wa sittin, 1063e question. Kam miqdar yawm inda Allah, combien équivaut un jour auprès d'Allah? Alf sana mimma na'oud. Un jour, ça équivaut à 1000 ans de ce que nous comptons. Comme a dit Ta'ala, wa inna yawman 'inda rabbika ka alf sanati mimma ta'udun. Et qu'un jour auprès de votre Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. Al-Hajj, verset 47. Thumma qala fi su'al al-khamis wa sittin ba'd alf, 1065e question. Ma hiya al-baldatu allati haramaha Allah? Quelle est la contrée que Allah a rendue interdite? Dans le sens qu'il n'est pas permis d'y accomplir certaines choses et qu'il n'est pas permis aux mécréants d'y rentrer. Il s'agit de Mecca. D'accord? Comme il dit, c'est le haram. Et le dalil est dit, le Nabi Muhammad, innama umirtu wa na'buda rabba hadhi al-balda allati haramaha wa lahu kullu shay. Il a dit, dans le sens, il m'a seulement été ordonné d'adorer le Seigneur de cette contrée, celle qu'il a rendue illicite, et il a toute chose. An-Naml, les fourmis, verset 91. Et kazalika, Al-Madina a été également rendue haram par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le Saoudi, on l'appelle Ard al-Haramain, là où il y a les deux lieux sacrés, qui sont Masjid al-Haram, qui est à Mecca, Al-Masjid al-Nabawi, qui est Al-Madina. ثم قال في السؤال السادس وستين بعد ألف 1066 question. ما هي أم القرى؟ Quelle est la mère des contrées? لكذلك, il s'agit de Mecca. La mère des contrées, il s'agit de Mecca. كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. Il a dit, de cette façon-là, nous t'avons révélé à toi un Coran en arabe afin que tu avertisses les gens de la contrée, c'est-à-dire Mecca, et ceux qui sont autour d'elle. Et pour que tu avertisses d'un jour où tout le monde sera rassemblé, au sujet duquel il n'y a aucun doute. Shura, la consultation, verset 7. Thumma ba'da dhalika qala al-mu'allifu hafizallahu ta'ala fi sual al-ta'asi wa sittin wa alf. 1069e question. Maintenant, il vient avec une chose qui est relative au, un peu à la langue arabe. Un peu à la langue arabe. Car il dit Ma huma al-thaqalan wal-umaran wal-qiblatan wal-haraman wal-sahihan wal-kamaran wal-askharan wal-aswadan. C'est-à-dire, qui sont les saqalan? Lorsqu'on met un alif et un nun à la fin d'un mot et que sa base reste neutre, ça devient un duel. Par exemple, quand tu dis bait, qui veut dire maison, bait, tu rajoutes un alif et un nun, tu dis baitani, ça veut dire deux maisons. Quand tu dis masjid, ça c'est un singulier, mufrad, tu rajoutes un alif et un nun, tu dis masjidani, ça devient deux masjid. Ça revient à dire deux, ce qu'on appelle le duel en arabe, Musanna. Donc des choses ont été surnommé par ce Mufanna pour des raisons particulières. Donc maintenant, quelles sont-elles? En premier lieu, lorsqu'on dit Al-Thaqalan, voyez, Al-Thaqalan, ce sont les deux choses sur lesquelles s'appliquent les charges de la religion. Et il s'agit des hommes et des djinns. Lorsqu'on dit Al-Thaqalan, il s'agit des hommes et des djinns. Tamam. Thumma, il dit Al-Umaran, c'est-à-dire là, c'est le mot Omar qui a été rendu au duel. Omaran. Qui sont les Omaran? Il s'agit en fait de Abu Bakr et de Omar. Il s'agit de Abu Bakr et de Omar, comme l'ont stipulé les ulama. Quand tu entends El Omaran, kada, kada, kada, c'est Abu Bakr et Omar. Maintenant, quelqu'un pourrait dire pourquoi a-t-on dit Omar alors que Abu Bakr, à la base, il est meilleur. Pourquoi a-t-on mis le duel sur le mot Omar? Et des machines ont expliqué parce que le khalifa de Omar a duré plus longtemps. D'une part. Et d'autre part, une chose qui apparaît, c'est que le mot Omar est plus facile à entendre duel que Abu Bakr. Parce que Abu Bakr, à la base, c'est un Nkunya, c'est-à-dire le père de Bakr. Donc ça aurait été quoi? Abawa Bakr, le mot Sanna. Abawa Bakr. Donc c'est un peu plus long et plus faqil. Et le sens est moins apparent. Donc, Omaran est plus facile, plus rapide, et également, ils disent la raison que le khalifa de Omar, le khilafa de Omar, a duré plus longtemps. Wallahu ta'ala a'lam. Quand il dit Al-Qiblatan, les deux Qibla, Al-Qiblatan, il s'agit de la Kaaba, qui est à Mecca, et celle qui est au Masjid Al-Aqsa, qui est en Palestine. Al-Qiblatan. Ensuite, lorsqu'on dit le haraman, on l'a cité tout à l'heure, lorsqu'on dit arad al haramain, on dit aya et anoun et alif anoun, c'est pareil. C'est juste le statut grammatical qui change. Donc le haraman, c'est quoi? C'est Mecca et Medina. Comme nous venons d'en parler dans les questions précédentes. Après, quand on dit as-sahihan, as-sahihan, c'est-à-dire les deux recueils authentiques, il s'agit de quoi? De sahih al-Bukhari, de sahih al-Muslim. Même quand on dit Ad al-Hadith fi Sahihayn, qui revient à dire Sahihan, qu'il est présent, il est muttafaqun alayh, qu'il est communément rapporté par les deux imams. Donc il est authentique. Lorsqu'on dit Al-Qamaran, Al-Qamaran, ça vient de Qamar, on rajoute Alouf Anoun. Qamaran, c'est le soleil et la lune. Le soleil et la lune. Et là, également, quelqu'un pourrait dire pourquoi on dit pas Al-Shamsan plutôt qu'Al-Qamaran, car le Shams est plus grand et donne plus de lumière. Et parce que tout simplement, parce que le shams en arabe, c'est un mot qui est féminin, et qamar, c'est un mot qui est masculin. Donc le masculin l'emporte sur le féminin. D'accord? Même en langue française, c'est comme ça. Par exemple, il y a un groupe où il y a cinq femmes et un homme qui viennent, on va dire ils sont venus. On va pas dire elles sont venues. On emploiera elles que s'il y a que des femmes seules. À partir du moment où il y a une présence d'un homme, le masculin l'emporte. Après, il dit el asharan. Même Al-Askharan, c'est-à-dire les deux mineurs. Il s'agit de Al-Qalb et Al-Lisan. Le cœur ainsi que la langue. Et lorsqu'on dit Al-Aswadan, les deux noirs. Al-Aswadan, cela a deux sens. Ça peut être Al-Tamr ou Al-Ma, qui sont les dattes et l'eau. Comme dans le hadith de Aïcha, qui disait que la nourriture du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était Al-Aswadan. Même qu'il n'y a pas eu durant au moins 3 mois d'affilée de feu de cheminée dans la maison du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'elle ne cuisinait pas à cause de la pauvreté, du manque de nourriture. Et elle fut interrogée pourquoi, de quoi vous nourrissiez, elle disait Al-Aswadan, c'est-à-dire qu'ils sont les dattes et l'eau. Et kazalik, dans un hadith, il est venu quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, uktul al-Aswadain fi salah. Tuer les deux noirs lors de la salat. Et qui sont-ils? Il s'agit du serpent et du scorpion. Celui qui fait salat, qui voit un serpent s'approcher de lui ou un scorpion, il lui permet de le tuer. On les appelle également Aswadan. D'accord, Aswadan. Fa'adha al-lazi al-radna al-yom. Wa alhamdulillah bil alamin.